Et la tumultueuse Sarabande a juré d'être de retour pour l'ouverture de la diète. Voilà du bon gibier pour les agents des princes à l'affût.